Salut, c'est Mike Lécuyer pour l'émission Blues Covers. I Believe I Dust My Broom par Robert Johnson. Et oui, après, les artistes l'ont enregistré sous le nom Dust My Broom ou parfois aussi Dust My Blues. Et parfois même signé par Elmore James. Mais c'est bien Robert Johnson, le premier créateur. Il a enregistré cette chanson en 1936 dans un hôtel à San Antonio. Vous vous rendez compte, dans une chambre d'hôtel, tourner vers le mur et allez hop, vas-y que je te envoie, que j'enregistre quelques chefs-d'œuvre. Je crois que c'était la deuxième chanson enregistrée dans cette séquence à l'hôtel de San Antonio en novembre 1936, je crois bien. Donc, dans ce Blues Covers, je vous propose quelques versions, quelques reprises de Dust My Broom par des artistes anglais et américain, et puis vous aurez droit à un autre Blues Covers une autre fois avec plein de groupes français qui ont repris aussi ce morceau. Alors on commence avec trois versions datant de 1967 par deux artistes américains et un artiste anglais. Tout d'abord Taj Mahal. Soon early in the morning, believe I dust my broom. You know I quit the best girl I've been loving, you know. My friends can't have my room. I didn't want no woman with every downtown magazine. Voici John Mayall, le père ou le grand-père du British Blues. C'était John Mayall sur le fabuleux album Hard Road. Et bien sûr, à la guitare, c'était Peter Green. Nous retournons aux États-Unis avec Canned Heat, toujours en 1967. Gonna get up in the morning, leave out just my brain. Well, I'm tired of telling you, ain't got much time to lose. Gonna write a letter, gonna send a special telegram. Gonna write a letter, gonna send a special telegram. I'm gonna find my baby, you know doggone well I am. Well, believe my time ain't long. I believe my time ain't long. You gonna wake up in the morning, find your revient en Angleterre avec Dr. Feelgood en 1985 pour une version plus rock, bien sûr. Dust My Broom. One of the downtown men she meets. I don't want no woman, but every downtown man she meets. She's a no good, no good. They shouldn't let that woman run around loose on the streets. Yeah. coming along. I'm gonna dust my broom, baby. You're gonna find me short as gone. Voici maintenant l'une de mes versions préférées par l'artiste américain Dion. Et cet artiste est très très connu dans les années 60 puisqu'on lui doit des tubes comme The Wanderer ou Run Around Sue. Mais depuis les années 2000, il s'est mis au blues et de façon, je trouve, magistrale. Dion, Dust My Broom. Get up early in the morning, I do believe I dust my broom. I'll get up early in the morning, I do believe I dust my broom. You know that man you've been loving, baby, won't get up first and get my room. Telephone every town I know. I'm gonna write me a letter. Telephone every town I know. And you ain't up in old Chicago. She must be up in Ohio. I don't want no kind of woman. Won't leave it downtown, man, she means. She's a no-good phony. She shouldn't be allowed there out on the street. I do believe my time, baby, ain't long. I do believe, you know my time ain't long. I gotta leave you, baby, but I'm of my happy home. I'm gonna call up China, see if my good girl's over there. Call up China, see if my good girl's over there. If she ain't up in Bronx, New York City, she must be old in Delaware. From her head down to her toe, bringing on a dollar man everywhere she goes. Et on va terminer ce premier volet Blues Covers consacré à Dust My Broom avec le groupe anglais Fleetwood Mac, la formation originale en 1968 avec Peter Green, bien sûr. Fleetwood Mac, bye bye et à la prochaine. I'm getting up soon in the morning. up on every town I know. C'était l'émission Blues Covers. Bonsoir.